السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc comme on a dit, on va faire inshallah aujourd'hui, en tout cas la première partie, l'explication du livre du jeûne Kitab al-Siyam tiré du concile de jurisprudence al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il commence l'explication de ce qui concerne al-Siyam dans son livre qu'il a écrit lui-même, Bab fi wujub sawmi ramadana wa waqtihi. C'est le chapitre de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et de son temps. Il dit, hafidhahullah ta'ala, صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة. Jeûner le mois de Ramadan est un pilier parmi les cinq piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations qu'Allah a rendues obligatoires, et cela est connu comme faisant partie de la religion par nécessité. Et Cheikh dit, ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. Et cela est indiqué par le Coran et la Sunna et le consensus, الإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومعنى كتب فرض. الشيخ الدي il cite le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction du sens est: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Sourate al-Baqarah, verset 183, jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. » Épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Sourate al-Baqarah, verset 185. Et le sens de kutiba, on vous a prescrit, c'est furida, il vous a été rendu obligatoire. Wa qala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wal-amru lil-wujub. Et le sens, ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction du sens est: donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et le verbe impératif ici indique l'obligation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبخر في القرآن يسيت لأبخر في السنة منه يلدي حفظه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها أي من أركان الإسلام الخمس صوم رمضان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'islam est basé sur cinq piliers, sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers, et il عليه الصلاة والسلام a cité parmi eux jeûner le mois de Ramadan. Le hadith que vous connaissez certainement, il est rapporté par le Bukhari au Muslim d'après la riwaya d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, car il les agrée tous les deux. Wal ahadithu fi ad-dilalati ala fardiyatihi wa fadlihi kathiratun mashhura. Et les ahadiths qui indiquent son obligation, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et sa préscience sont nombreux et connus. Maintenant, il va parler de l'ijma'. Il dit wa ajma' al-muslimun ala wujubi sawmihi wa anna man ankarahu kafar. Et tous les musulmans sont unanimes quant à l'obligation de le jeûner et quant au fait que celui qui renie cela a mécru. Et la sagesse de la législation du jeûne est أَنَّ فِيهِ تَسْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَتَطْهِيرًا وَتَنْقِيَةً لَهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ لَأَنَّهُ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الشَّيْطَانِ فِي بَدَنِ الْإِنسَانِ لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات والصوم على عكس من ذلك. Il dit, حفظه الله تعالى, et la sagesse de la législation du jeûne est qu'il y a dans le jeûne une purification de l'âme et un nettoyage et un épurement de l'âme des mauvais mélanges et des vils comportements, car le jeûne rétrécit les voies par lesquelles passe Satan dans le corps de l'être humain. Car Satan coule dans les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains, comme le sang coule. Et donc si l'être humain mange et boit, son âme s'étend pour les désirs, et sa résolution faiblit, et son désir des actes d'adoration faiblit, alors que le jeûne est à l'opposé de cela. Puis le cheikh il continue dans les sagesses et il dit wa fi as-sawmi tazhidun fi ad-dunyati fi ad-dunya pardon wa fi as-sawmi tazhidun fi ad-dunya wa shahawatiha wa targhibun fi al-akhirah. Et le jeûne amène à renoncer à ce bas monde et incite à désirer l'au-delà. Wa fi ba'ithun 'ala al-'atf 'ala al-masakin wa ihsasun bi alamihim yadhuqu as-sa'imu min alami al-ju'i wa al-'atash لأن الصوم في شرعه هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Le cheikh dit il y a dans le jeûne ce qui a, et le jeûne amène à renoncer à ce bas monde et incite à désirer l'au-delà, et il y a dans le jeûne une cause de sympathie envers les pauvres et de ressentir leur douleur en raison de ce que le jeûneur sent en termes de faim et de soif. Car le jeûne est défini dans la religion comme étant s'abstenir en ayant une intention, ça c'est un qaïd muhim, jiddan, c'est une condition importante, en ayant une intention, de choses spécifiques, de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles et d'autres choses parmi les choses qui ont été rapportées dans la religion. Et suit le cela le fait de s'abstenir de propos obscènes et de perversité. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل من سورة البقرة. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. L'obligation du jeûne quotidien commence à la montée du deuxième fajr, qui est la blancheur transversale à l'horizon, et se termine au coucher du soleil. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est: cohabitez donc avec elle maintenant, c'est-à-dire avec les épouses, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Sourate Al-Baqara, verset 187. Et le sens de jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, que la blancheur du jour se distingue de la noirceur de la nuit. C'est ça le sens. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Il a parlé de ابتداء الصوم اليومي. Maintenant il parle du mois. يبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Et l'obligation de jeûner le mois de Ramadan commence lorsqu'on sait que nous sommes entrés dans le mois, c'est-à-dire que le mois a débuté, le mois de Ramadan a débuté. On va parler après maintenant de comment, c'est, quelles sont les différentes manières de décréter que le mois est rentré. وللعلم بدخوله ثلاث طرق. Il y a trois manières de connaître son entrée, l'entrée du mois de Ramadan. الطريقة الأولى رؤية هلاله. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. La première manière, parmi les manières de voir l'entrée, de connaître l'entrée du mois de Ramadan, la première manière c'est de voir sa nouvelle lune, Al-Hilal. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Surat Al-Baqarah, verset 185. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith muttafaqun alayhi, rapporté par le Bukhari wa Muslim, il dit, jeûnez lorsque vous la voyez, c'est-à-dire vous voyez la nouvelle lune. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, quiconque voit lui-même la nouvelle lune, le jeûne lui est obligatoire. La deuxième manière, الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها فيصام برؤية عدل المكلف ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. La deuxième manière de connaître l'entrée du mois de Ramadan, c'est l'attestation de vision ou l'information de vision, et donc on jeûne par le fait qu'un individu responsable, mukallaf, responsable de ses actes, mukallaf, et réunissant les caractéristiques d'équité, adl, alayka salam, a vu la nouvelle lune. Et cela suffit qu'il en informe, en raison de la parole d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui a dit, les gens se sont regroupés pour voir la nouvelle lune, et donc j'ai informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que je l'ai vu. Et il a donc jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Le hadith l'a rapporté par Abu Daoud et d'autres que lui, et jugé authentique par Ibn Hibban al-Hakim. Troisième manière de voir l'entrée, ou de connaître, pardon, l'entrée du jeûne du mois de Ramadan, وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةِ إِكْمَالُ عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثلاثين يوما وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ومعنى اقدروا له أي أتم الشهر شعبان ثلاثين يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. Les deux derniers hadiths qu'on a cités, ce sont deux hadiths muttafaqun alayh, rapportés par le Bukhari et le Muslim. Donc la troisième manière de connaître l'entrée du mois de Ramadan, c'est de compléter les 30 jours du mois de Sha'ban, et cela est lorsque le croissant lunaire, c'est-à-dire la nouvelle lune, n'est pas observé la nuit du 30e jour du mois de Sha'ban, en l'absence de ce qui peut empêcher la vision en termes de nuages ou de poussière, ou en présence de l'une, ou en l'absence de, ou en présence de l'une de ces choses. Donc, je répète cette phrase, c'est lorsque la nouvelle lune n'est pas observée la nuit du 30e jour du mois de Sha'ban, en l'absence de ce qui peut empêcher la vision en termes de nuages ou de poussière, ou en présence de l'une de ces choses. Et ce, en raison de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le mois est de 29 jours, et donc ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous la voyez, la nouvelle lune, et n'arrêtez pas de jeûner jusqu'à ce que vous la voyez. Et si votre vision est empêchée, alors déterminez-le. Et le hadith l'a rapporté par Bukhari ou Muslim d'après le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux. Et le sens de déterminer-le, Cheikh Al-Fawzan, faqdourou là, il dit, c'est-à-dire, compléter, atimu shahra sha'ban 30 yawma, c'est-à-dire compléter le mois de Sha'ban en le comptant 30 jours. Et c'est en raison de ce qui a été rapporté de manière authentique d'après Abu Huraira. Et si votre vision est empêchée, alors comptez 30. Et le hadith ici aussi rapporté par le Bukhari au Muslim, et la formulation ici est la formulation de Muslim. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على كافر ولا يصح منه فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء من سبق ما سبق حال الكفر ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire à tout musulman responsable de ses actes et capable mukallaf et capable qadir. Et donc il n'est pas obligatoire aux mécréants. Il n'est pas valable de sa part. Et s'il se repent durant le mois, c'est-à-dire qu'il s'est converti à l'islam durant le mois, il jeûne alors le reste du mois. Et il ne doit pas remettre les jours de jeûne qui ont précédé lorsqu'il était dans la mécréance. Mais reste la mis'ala, s'il se convertit dans la journée, qu'est-ce qu'il fait? On va voir ça après, Inch'Allah. ولا يجب الصوم على صغير ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. Et le jeûne n'est pas obligatoire pour le petit, et le jeûne du petit qui atteint l'âge de distinction est valable, et cela est pour lui un jeûne surrogatoire. C'est quoi signe de tamyiz? Cheikh Al-Masih Al-Abbad, pour les frères qui ont déjà fait shurut salah avec nous ici, ils ont vu que Cheikh Al-Masih Al-Abbad, il a dit que c'est à partir de 7 ans. Certains mashaykhs, ils disent un autre avis, il y a plusieurs avis là-dessus. Par exemple, Cheikh Abu Ammar Ali Al-Hudayfi, parmi les chours du Yémen, il dit qu'il y a une divergence à ce sujet. Il dit que l'avis le plus fort, c'est de dire que c'est pas nécessairement 7 ans, ça peut être avant ou ça peut être après. Donc c'est à partir du moment où l'enfant distingue. Et Cheikh, il dit ici, et le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou. Et s'il jeûne dans son état de folie, son jeûne n'est pas valable en raison de l'absence d'intention. En raison de l'absence de l'intention. Voilà, yajibu somu adaan. Ce mot-là, il faut Inch'Allah, les apprendre. Ada'an wa qada'an. On va voir ce que ça veut dire ces deux mots-là. Ada'an wa qada'an. Wa la yajibu s-sawm ada'an ala maridin ya'jazu anhu wa la ala musafirin. Wa yaqdiyanihi. Vous voyez le qada'. حال زوال عذر المريض والسفر قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من سورة البقرة. Donc le cheikh حفظه الله تعالى il dit le jeûne n'est pas obligatoire adaan. Qu'est-ce que ça veut dire adaan? On va traduire ça par au moment même adaan pour le malade qui n'en est pas capable. Donc je répète cette phrase, le jeûne n'est pas obligatoire au moment même pour le malade qui n'en est pas capable au moment même et pour le voyageur. Mais qu'est-ce qu'il doit faire alors? Qada'an, c'est-à-dire qu'ils doivent remettre les jours, on va voir ça le détail à ce niveau-là, Inch'Allah. Et ils remettent tous deux, c'est-à-dire le malade qui n'est pas capable au moment même et qui sera capable plus tard. D'accord? Et le voyageur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, ils remettent tous les deux les jours de jeûne manqués lorsque les excuses de maladie et de voyage sont levées, ce qu'on appelle qada. Donc vous avez l'ada et le qada. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, il donne une preuve par rapport à cela, le shir du Coran, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, surat al-Baqarah verset 184. Wal khitab bi ijab as-siyam yashmalu al-muqima wal-musafira wal-sahiha wal-marida wal-tahira wal-ha'ida wal-nufasa'a wal-mughma 'alayhi fa in ha'ula'i kulluhum yajibu 'alayhim as-sawm fi dimamihim. بحيث إنه يخاط إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء هو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. C'est important dans le fiqh, hein, esprit de synthèse, inshallah, de bien noter les différentes catégories de gens. Il parle maintenant de l'ordre de jeûner. Attention ici, il va être précis le shir. Il dit l'ordre de jeûner s'adresse aux résidents et aux voyageurs, à celui qui est en bonne santé et aux malades, aux purs ou à la pure, et celle qui est en période de menstrue, et celle qui est en période de lochi. C'est-à-dire en période de menstrue, la femme qui est en période de règles, et la période de lochi, c'est-à-dire la période qui est post-natale, c'est-à-dire qui, hein, vous savez que les femmes, elles ont des écoulements après la naissance, hein, ce qu'on appelle la période de lochi. Et à celui qui a perdu connaissance, c'est le mourma alay. Tout cela, le jeûne, leur est obligatoire à tous en termes de conscience, dans le sens où le jeûne leur est adressé afin qu'ils croient en son obligation dans leur conscience. Et la résolution de le mettre en pratique se fait soit au moment même, ada'an, soit plus tard en remettant les jours, qada'an, en fonction de la situation. D'accord? Mais tous doivent croire en son obligation et sont tous adressés, la parole leur a tous adressé dans ce sens-là. Allez, donne maintenant le tafsil. Plusieurs catégories de jeûne, on va mettre en trois catégories comme le shérif l'a fait. Première catégorie, le jeûne est adressé à certains d'entre eux qu'ils jeûnent dans le mois même, ada'an, au moment même. Et cela s'adresse à celui qui est en bonne santé et résident, à l'exception de celle qui a ses menstrues et de celle qui est en période de lochi. Pourquoi? Parce que celui qui est résident, il n'a pas la rukhsa, la permission de pouvoir rompre le jeûne parce qu'il n'est pas voyageur. D'accord? Et parce que celle qui est en période de lochi ou qui est en période de menstrues, elle ne peut pas jeûner. Même si elle est résidente. Vous voyez, il a fait une exception. Vous voyez, comme cher, comment il est précis, il a dit, le jeûne est adressé à certains d'entre eux qu'ils jeûnent dans le mois même, au moment même, et cela s'adresse à celui qui est en bonne santé et résident, à l'exception de celle qui a ses menstrues et de celle qui est en période de lochi. Deuxième catégorie, et le jeûne s'adresse à certains parmi eux seulement en termes de remise de jours manqués. Donc les premiers, c'était quoi? L'ada. Deuxième catégorie, c'est quoi? Al-qada, remettre les jours. Et cela s'adresse à celle qui est en période de menstrue. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas jeûner, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit remettre les jours après le mois de Ramadan. Et à celle qui est en période de lochi aussi. Et au malade, parce que dans le premier cas, il avait dit celui qui est en bonne santé. Maintenant, il parle du malade. Il dit au malade qui n'est pas capable de jeûner au moment même, mais qui est capable de remettre les jours manqués plus tard. Parce qu'il y a différentes catégories de gens malades. Hein? Notamment la personne qui ne peut jamais jeûner. Parce que sa maladie, elle n'est pas guérissable. La yurja burqu, comme ils disent les ulama. Et on n'espère pas sa guérison de cette maladie. Troisième catégorie, on avait dit le premier c'est ada'an, ils le font au moment même. Deuxième catégorie, qada'an, ils remettent les jours après. Et une troisième catégorie, c'est ceux qui ont le choix. Et le choix est donné à certains parmi eux, et ce sont qui? Le voyageur, et le malade aussi. Mais quel malade? Qui peut jeûner, mais avec une difficulté. Lui, il est capable de jeûner, mais avec une difficulté, sans crainte de perdition. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهر رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك باقية اليوم ويقضيه وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون باقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. Et quiconque rompt le jeûne, on va revenir à la mesela du celui qui se convertit pendant la journée à l'islam, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez que dans le mesela de fiqh, il y a souvent des divergences. Ici, évidemment, on rapporte la vie de Cheikh Al-Fawzan, parce que peut-être certains vont dire, mais l'autre jour, tu as traduit quelque chose de Cheikh Al-Haydan, il a dit autre chose, par rapport aux voyageurs, etc. Nous, on rapporte ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan, et on prend un avis, et après, celui qui veut tout ça, plus tard, et tout ça. Et quiconque rompt le jeûne en ayant une excuse, puis cette excuse disparaît durant une journée du mois de Ramadan, comme le voyageur qui est de retour de voyage. Admettons que le voyageur, il rentre chez lui pendant la journée du Ramadan, avant que le soleil ne se couche. Mais il n'est plus voyageur, il est résident. Qu'est-ce qu'il doit faire? La réponse, elle est là. Et celle qui est en période de menstrue, et celle qui est en période de louchi, une des deux qui, maintenant, ou les deux qui deviennent purs, c'est-à-dire que la période de louchi s'arrête en plein milieu de la journée, ou bien les menstrues s'arrêtent en plein dans la journée, et qui deviennent purs, et comme le mécréant qui se convertit à l'islam. Et le fou qui recouvre la raison. Et le petit qui devient pubère. Petit qui devient pubère pendant la journée, ou le fou qui recouvre la raison pendant la journée, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Il est obligatoire à tout cela de s'abstenir pour le reste du jour, puis de faire ce qu'on appelle qada, de remettre ce jour-là de jeûne plus tard. C'est-à-dire de jeûner un jour complet plus tard après le Ramadan pour s'acquitter de ce jour en partie manqué. De même, une autre mis'ala, si la preuve est établie de l'entrée du mois de Ramadan durant la journée. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas que le mois de Ramadan est rentré, et donc ils ont mangé le matin, etc. Et pendant la journée, il est annoncé que le mois de Ramadan est entré. D'accord? Et bien le cheikh dit, de même si la preuve est établie de l'entrée du mois de Ramadan durant la journée, les musulmans doivent alors s'abstenir pour le reste de la journée et remettre le jeûne de ce jour après le mois de Ramadan. Pas le jour de l'Aïd, évidemment, pourquoi? Parce que c'est interdit. D'accord? Notre chapitre de ce kitab Siyam, Bab, fi bad'i Siyam al-yawmi wa nihayatih. Chapitre du commencement du jour de jeûne et de sa fin. Qala Allah Ta'ala: "Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Allah dit, c'est dans la traduction du sens, et on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle, c'est-à-dire l'itikaf, dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Sourate al-Baqarah, verset 187. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلا أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. L'imam Ibn Kathir, parmi les grands savants de l'islam et spécialistes de l'exégèse du Coran, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit « Ceci est une permission d'Allah le Très-Haut pour les musulmans, une levée de ce qu'il en était au début de l'islam. Car si l'un d'entre eux rompait son jeûne, il ne lui était autorisé de manger et de boire et d'avoir de relations sexuelles que jusqu'à la prière de l'Isha, où il dort avant cela. » Et donc, lorsqu'il a dormi, ou il a pris l'Isha, la prière de l'Isha, il lui était alors illicite de manger et de boire et d'avoir de relations sexuelles jusqu'à la nuit d'après. Et donc lorsqu'il a dormi ou pris la prière de l'Isha, il lui était alors illicite de manger et de boire et d'avoir de relations sexuelles jusqu'à la nuit d'après. Et ils ont donc trouvé en cela une grande difficulté. Ce verset fut alors descendu et ils éprouvèrent alors une joie intense en raison de ce verset. Car Allah a permis de manger et de boire et d'avoir des relations sexuelles au moment de la nuit que celui qui jeûne veut jusqu'à ce que lui apparaisse la blancheur du matin par rapport à la noirceur de la nuit. C'est Allah qui me revient en tête maintenant, quand on parle de relations sexuelles, c'est d'avoir le coït. C'est-à-dire, quand le fait d'embrasser sa femme, c'est autorisé, c'est rapporté que le prophète s'est embrassé Aïcha pendant les journées de jeûne. D'accord ? Maintenant, chacun, il se connaît. D'accord ? Chacun, il se connaît. Donc, si quelqu'un, il sait que ça va l'amener à quelque chose et qu'il risque de rompre son jeûne en fonction de ça, attention, c'est interdit, comme dit le Haïdan, par Ijma' al-Ulama, d'avoir une relation sexuelle pendant les jours de jeûne du mois de Ramadan. Cher, il dit, et donc, il y a. Cheikh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et donc, il y a dans ce noble verset. J'ai fini ou j'ai pas fini la parole de Ibn Kathir? Ce verset fut alors descendu. Il éprouvait alors une joie intense en raison de ce verset, car Allah leur a permis de manger et de boire, d'avoir de relations sexuelles au moment de la nuit, que celui qui jeûne veut, jusqu'à ce que. Au moment de la nuit, que celui qui jeûne veut, jusqu'à ce que lui apparaisse la blancheur du matin par rapport à la noirceur de la nuit. Cheikh Ibn Kathir, hafidahullah ta'ala. Fatabayana min al-ayat al-karima tahdid al-sawm al-yawmi bidayatan wa nihayatan. Et il y a donc, dans ce noble verset, une mise en évidence du commencement et de la fin du jour de jeûne. Son commencement, فَبِدَايَتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي. C'est ce qu'on appelle فَجْرَ الصَّادِقِ. وَنِهَايَتُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. Son commencement, c'est de la montée du deuxième فَجْر, c'est-à-dire le فَجْر véridique. Et sa fin jusqu'au coucher du soleil, غُرُوبِ الشَّمْسِ. وفي إباحة تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. Et il y a dans le fait qu'Allah le Très-Haut a permis de manger et de boire jusqu'à la montée de l'aube une preuve que le suhour est recommandé. Après, on va voir la différence entre suhour et sahour. بالضم السين أو بفتحها. السحور والسحور. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, فهو متفق عليه. Il était rapporté dans les deux authentiques d'après Anas qu'Allah l'agré, qu'il a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, faites le suhour car il y a dans le sahour une bénédiction. Alors ici je vous ai rapporté une faïda qui rapporte sur Abdal Bessam rahimahullah ta'ala, parmi les élèves de Cheikh Abdrahman ibn Nasser al-Sa'di rahimahullah, et parmi les contemporains et les collègues de Cheikh al-Uthaymin quand ils étudiaient chez Cheikh Sa'di rahimahumullah jami'an, il a fait le Sharh de Bulugh al-Maram qu'il a appelé Tawdih al-Ahkami min Bulugh al-Marami d'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Et dans Kitab al-Siyam, il parle de ce hadith Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Il dit السحور بفتح السين المهملة اسم للطعام الذي يتسحر به وروي بالضم فهو مصدر أي التسحر Ay, ismu lil fi'li nafsih. Je vous résume de manière très facile. C'est as-sahour avec le fath. C'est ce qui est mangé. Tandis que suhour, c'est l'action de prendre suhour, de faire suhour. D'accord? Ismu lil fi'li nafsih. Suhour, c'est l'action elle-même. C'est un nom pour l'action elle-même. Wa aktharu ma yurwa bil fath. Et la plupart du temps, c'est rapporté avec le fath, le fath as-sahour. Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Une longue discussion pour le problème ulama, qu'est-ce que ça veut dire baraka et pourquoi, et quand ça fait dam et quand ça fait le fath, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ala kulli hal wa huwa mushtaqun min as-sahar wa huwa ma qabila aw qubayla, afan qubayla al-fajri. C'est ce qui est juste avant l'aube. As-suhur. D'accord? Donc, as-suhur, c'est l'action, c'est masdar, mais il y a tasahur, le fait de prendre le suhur, ou as-sahur, c'est ce qui est pris pour le suhur, c'est-à-dire al-ta'am alladhi yutasahharu bih, la nourriture que tu prends pour ton, dans ton suhur. Donc, nous, on va traduire le suhoor par le repas pris juste avant l'aube lors du jeûne, et on va voir que ça suffit, ne plus que de prendre une gorgée d'eau, ça suffit pour le suhoor. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de textes qui sont rapportés sur l'anticipation. Il dit le shir wa qad warada fi at-targhibi bis-suhoor atharun kathira walaw bi jir'ati ma'in yustahabbu ta'khiruhu ila waqtin fi jari al-fajr. Et il y a beaucoup de textes qui sont rapportés sur l'incitation à faire le suhoor, et ce même si ce n'est qu'avec une gorgée d'eau. Il est recommandé de le retarder jusqu'au moment où l'aube apparaît. Et si l'individu se réveille, وَلَوْ اسْتَقَدَ الْإِنسَانُ وَعَلِيهِ جَنَابَةٌ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ طُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْهُمْ يَبْدَأُونَ بِالسَّحُورِ وَيَصُومُونَ وَيُؤَخِّرُونَ الْإِغْتِسَالَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Et si l'individu se réveille en étant de grande impureté, ce qu'on appelle janaba, ou que celle qui est en période de menstru devient pure avant la montée de l'aube, il commence par le sahur et jeûne et retarde le lavage jusqu'après la montée de l'aube. D'ailleurs, ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Pour prier le fajr. الشيخ الدي وبعض الناس يبكرون بتسحر لأنهم يسحرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. Certains ont le suhur très tôt car ils restent éveillés la plus grande partie de la nuit, puis ont le suhur et dorment quelques heures avant l'aube. Et cela ont commis par cela un certain nombre d'erreurs. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. Premièrement, ils ont jeûné avant le temps du jeûne. Parce que le temps du jeûne, on a dit qu'il commence par le deuxième fajr. ثانياً يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بتركه. Je ne sais pas si vous avez la médition comme moi ici, c'est il marque Allah. Hein, chez vous, oui ou non? Hein, c'est فيعصون الله, faut corriger ça. Vous avez ça ou pas? فيعصون الله ها عفك انضم فيعصون الله فيعصون الله بترك ما اوجب الله ولا يسي لا سيزم الله لا سي الله بما اوجب الله عليهم من صلاه الجماعه. Deuxièmement, ils délaissent la prière du fajr en congrégation, deuxième erreur, à la mosquée, et donc désobéissent à Allah en délaissant ce qu'Allah leur a rendu obligatoire en termes de prière en congrégation. ثالثا, troisième erreur, ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس وهذا أشد جرما وأعظم إثما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من سورة الماعون. Troisièmement, il se peut même qu'il retarde la prière du Fajr jusqu'après son temps et donc ne prie qu'après le lever du soleil, et ceci est plus grave en termes de crime et plus grand en termes de péché. Allah dit ce dont Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière, en retardant leur prière. Hum an salatim sahun, c'est-à-dire qu'ils retardent leur prière. Yu'akhirun as-salat an waqtiha, comme ça a été expliqué par certains sahaba. Sourate Al-Ma'un, versets 4 et 5. Cheikh il dit ولابد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك والصيام صحيح تام إن شاء الله. Et il est obligatoire d'avoir l'intention pendant la nuit du jeûne obligatoire, et donc s'il a eu l'intention de jeûner mais ne s'est réveillé qu'après la montée de l'aube, alors il s'abstient et son jeûne est valable et complet avec la permission d'Allah. ويستحب التعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بآذان أو غيره فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا حديث أخرجه الترمذي وضعفه شيخ الألباني رحمه الله. Il est recommandé de rompre le jeûne le plus tôt possible. Il ne faut pas tarder. Hein? Dès que le coucher du soleil est établi de manière certaine, en le voyant, soit que tu le vois toi-même, ou parce qu'il est fondé à le croire en raison de l'information de quelqu'un de digne de confiance, soit par l'appel à la prière, soit par autre chose. D'après Saïd ibn Sa'd, quand il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. C'est un hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce qu'il rapporte de son Seigneur qu'il a dit, le plus aimé par moi de mes serviteurs est celui qui se précipite le plus à rompre le jeûne. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée est jugé faible par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء روى أحمد وأبو داود الترمذي الصحوي شيخ الألباني رحمه الله. Et il est recommandé de rompre le jeûne avec ce qu'on appelle al-rutab, al-rutabat. Al-rutab, c'est les dattes qui sont mûres et fraîches. Et s'il n'en trouve pas, alors avec tamr, qui sont les dattes sèches. Et s'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau pure. Avec de l'eau, pardon. Et ce, en raison de la parole d'Anas, qu'Allah l'agrée, qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rompez le jeûne avant de prier avec des dattes mûres et fraîches. Et s'il n'y avait pas de dattes mûres et fraîches, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y avait pas de dattes sèches, alors il buvait de l'eau par petites gorgées. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Tirmidhi, jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Alors je voulais vous rapporter une parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui montre encore l'attachement à la sunna de cet imam de la sunna, de ce lion de la sunna, rahmatullah alayh, et comment il était précis, hein, sur tout ce qui concerne les points de la sunna. Et il dit, justement dans le... Non, c'est le hadith sahiha, hadith numéro 2840, ce hadith qu'on vient de citer d'ailleurs, rapporté par Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa'in lam yakun rutabatin fa'ala tamaratin fa'in lam yakun hasa hasawatin min ma. Cheikh Al-Albani rahmallah dit fa'idah. والغرض من ذكر الحديث مع الإجاز في التخريج إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين. Et le but pour lequel j'ai cité ce hadith de manière sommaire dans le tahrij, c'est-à-dire qu'il n'a pas rapporté beaucoup de tahrij, c'est que pour faire un rappel concernant cette sunna qui est délaissée par la plupart de ceux qui jeûnent. وبخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ملذ وطاب من الطعام والشراب. Et surtout pour les invitations générales, hein, dans lesquelles ou pour lesquelles sont préparés ce qui est bon et ce qui est délicieux en termes de nourriture et de boisson. أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر. Concernant les rotab, les dattes mûres et fraîches ou les dattes sèches. Seulement, ou hein, si, au minimum, eh bien, il n'y a pas de dhikr, hein, c'est oublié. Ou ankaru min dhalik, et ce qui est pire que cela, ce qui est plus réprouvable que cela, ihmaluhum l'iftar ala hasawati min ma, le fait qu'ils délaissent même le fait de prendre l'iftar, de rompre le jeûne, avec des gorgées d'eau. فطوبى لمن كان من. Et donc Touba pour ceux qui sont parmi ceux qui, au sujet desquels Allah Azza wa Jalla dit, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من سورة الزمر. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puisse ce qu'elle contient. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puisse ce qu'elle contient du meilleur, yani puisse suivre ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc ça c'est une sunnah à faire vivre. Rachir al-Fawzan, il va parler de ça dans un instant, inshallah. Donc de... avec des dattes rotab, mûres et fraîches, s'il n'y a pas avec des dattes sèches, s'il n'y a pas avec de l'eau, hein, de prier en jama'a et après à ce moment-là de finir son repas. Cheikh El dit, Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et s'il ne trouve ni dattes, فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. Et s'il ne trouve ni date mûre, ni fraîche, ni date sèche, ni eau, il rompt alors son jeûne avec ce qui est disponible comme nourriture et comme boisson. Et là, il va attirer l'attention sur des points qui sont des erreurs commises par certains. Et il dit, Cheikh Hafidahullah, وهنا أمر يجب التنبيه عليه. وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد فيرتكب بذلك خطأ عظيما هو تأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Il y a ici une chose au sujet de laquelle il est obligatoire d'attirer l'attention, et c'est qu'il se peut que certains restent assis à table pour rompre le jeûne et leur dîner, et délaissent la prière du Maghrib en congrégation à la mosquée, et donc ils commettent par cela une grave erreur, qui est de rater la prière en congrégation à la mosquée, et ils se privent d'une grande récompense, et s'exposent au châtiment. Et ce qui est légiféré pour celui qui jeûne, c'est de premièrement rompre le jeûne, puis d'aller à la mosquée, aller à la prière, puis d'avoir son dîner après cela. Et ça c'est une erreur que beaucoup commettent, c'est que quoi? C'est qu'on dépose tout sur la table, on mange jusqu'à ce qu'on soit complètement rassasié, hein. Et Allah alim combien de temps après le dhuhr du Maghrib, et à ce moment-là il prie. Et ça même arrivé dans une mosquée. Une mosquée qui était en face de chez moi à Bruxelles, on avait été prier le Maghrib et on trouvait personne, on se posait la question, est-ce qu'on a raté le Maghrib ou pas, hein? Et on est monté et on a trouvé un imam qui était mort, rahmatullah alayh. Un imam qui était d'un certain âge, il était assis, il préparait le fitour, etc. On lui dit, comment, il n'y a pas de Maghrib, etc. Il nous a dit, il a dit, chauffe à Oulidi, il a dit. Hein? Il a dit, baqil waqt. Hein? Il a bien rallongé. Il a dit, on va boire, on va manger, on va al-halalala, alhamdulillah, on va, etc. On va manger, on va déposer le fond. Ah, après on va tout. Ben, après on va saler, Inch'Allah. Hein? Il a dit, il a prêté de saler, c'est le saler, on lui dit. Hein? Quand on est descendu, on a prié nous-mêmes le jama'a. Regardez le mosquée, même dans certaines mosquées. Et c'est vrai que dans cette mosquée-là, à Bruxelles, dans le ramadan, il n'y a pas de salat jama'a à temps le maghrib. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an, la mosquée est déserte le maghrib. Hawla la quwwata illa billah. Hada hum Allah. Rahmatullah alayhi lima wa ghani. Maintenant, il dit le cheikh Hafidah, wa yustahabu an yad'u 'inda iftarihi bima ahab. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Hadith akhrajahu Ibn Majah min hadith Abdullah ibn Amr wa da'afu Shaykh al-Albani rahimahullah. Wa min ad-du'a al-waridi an yaqul Allahumma laka sumtu wa 'alaka wa 'ala rizqika aftart. Akhrajahu Abu Dawud min hadith Mu'ad ibn Zahrah mursala wa da'if wa al-hadith da'afu Shaykh al-Albani rahimahullah. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث حسنه شيخ ناصر رحمة الله عليه. Il est recommandé qu'il invoque le jeûneur Allah au moment de rompre le jeûne demandant ce qu'il désire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne a une invocation au moment de reprendre son jeûne qui n'est pas rejeté. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, d'après le hadith d'Abdullah ibn Amr, mais il est jugé faible par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et parmi les invocations rapportées, c'est de dire, oh Allah, pour toi j'ai jeûné et grâce à ta subsistance j'ai rompu le jeûne. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, mais il est jugé aussi faible par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il rompait son jeûne, la soif est dissipée et les veines sont irriguées et la récompense persistera si Allah veut. Dhahab al-dhama ibtalat al-uruq wa tallat al-uruq wa thabat al-azr inshaAllah. Et ce hadith, il est jugé hassan par Cheikh Al-Albani, il est rapporté par Abu Daoud. Et Cheikh dit, wa hakada yanbaghi lil-muslim an yata'allam ahkam as-siyam والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الشيخ الدي يترمين شابيتر en disant, et de telle manière il convient aux musulmans qu'il apprenne les règles du jeûne et de la rupture du jeûne en termes de temps et de manière afin qu'il s'acquitte de son jeûne de la manière légiférée et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que son jeûne soit valable et que son action soit acceptée par Allah, car cela fait partie des choses les plus importantes. À la lettre audit, selon la traduction du sens est, en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Amin surat al-Ahzab, verset 21. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui, inshallah. On se voit peut-être dimanche prochain pour continuer. On espère terminer tout Kitab Siyam le dars prochain, si possible. On verra, inshallah ta'ala. Wallahu alam wa subhanakum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.